Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc toujours dans ce livre, fi kitab al-fiqh, dans ce qui touche à la salat. Fi ad-dars as-sabi' ba'd al-mi'a, 107e leçon. Qala al-mu'allif hafizahu Allah ta'ala fi su'al as-sabi' wa 30 ba'd 800, 37e question. Madha yaqra'u yuqra'u ba'd al-basmalati? Qu'est-ce que l'on doit réciter après avoir dit la basmala? Le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on avait expliqué qu'il fallait le dire à voix basse, à la sahih, le col qui était authentique. Yukra al-Fatiha, wa ma tayassara min al-Qur'an. On récite la Fatiha, c'est ça qui est obligatoire, et ce que l'on peut du Qur'an. On peut réciter un verset, deux versets, tant que cela n'atteint pas le sens, le fait de couper en plein milieu d'un verset ou d'un bout de verset. Et on lit ce qu'on peut. Cela n'est pas obligatoire, mais cela est préférable. Et le dernier, c'est le hadith de Ubal ibn Samit. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب qu'il n'y a pas de salat valide accepté pour celui qui ne récite pas le Fatiha. Le hadith est muttafaqun alayh. Donc cette salat n'est valide, comme on a expliqué, qu'en lisant la Fatiha, qui elle est un pilier de la salat, cette récitation. Et le reste n'est que surrogatoire. ثم قال في السؤال الثامن بعد 30 بعد 800 838e question. ماذا يقول بعد الفاتحة? Après avoir dit la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amin. On dit Amin. Et Amin, ça a le sens de Allahumma stajib. Oh Allah, répond. C'est une demande de réponse à l'invocation qu'on a faite, car la Fatiha, c'était une invocation. Wa dalil hadith Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala idha qala al-imam ghayl al-maghdubi alayhim wa al-dhalin, faqulu Amin, faman wafaqa qawluhu qawl al-malaika. غفر لهم تقدم بذنبه كلا دين النبي صلى الله عليه وسلم كسي الإمام إدي تجعل الفاتحة غير المعذوب عليهم ولا الظالين alors dites Amin car celui dont le celui qui dit Amin cela coïncide avec le Amin de Ta'min des Malaïkas car les Malaïkas également disent Amin avec nous celui lorsqu'il dit Amin cela coïncide avec celui des Malaïkas il lui sera pardonné ses péchés antérieurs après il dit dans la question justement qui est التأثير والثلاثين بعد ثمانمية ويصدر ثمانمية كيستيون ما هو الأجر المترتب على قول آمين بعد الفاتحة في الصلاة يدي كلا justement la récompense que l'on tire justement à dire آمين à la fin de la Fatiha dans la salat et ça c'est le hadith que l'on dit à l'instant qu'on a le pardon des péchés à condition que le ta'min que l'on fasse d'accord coïncide avec celui des malaïka que l'on dise en même temps qu'eux et cela a lieu après que l'imam ait fini de dire la Fatiha مباشرة on dit آمين à voix haute. À voix haute. ثم قال في السؤال 40 بعد 800 840e question. ما أشد شيء تحسدون عليه اليهود؟ Quelle est la pire chose pour laquelle les juifs nous jalousent? قال التأمين والسلام. Le fait de dire amin justement et le fait de se passer salam. Ce sont les choses pour lesquelles les Yahoud nous détestent. Ou plutôt nous envient. Bien qu'ils nous détestent également. Et nous détestent pour notre foi, pour notre religion. Ainsi de suite, mais ils nous jalousent, ils sont jaloux du fait que ils nous soient légiférés de dire Amin et le fait de se passer le salam entre nous. Comme dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, ma hasadtukum al-Yahoud ala shay'in, ma hasadtukum ala salam wa ta'min. Que les juifs ne vous ont pas envié pour une chose comme ils vous ont envié pour le fait de dire salam et pour le ta'min, le fait de dire Amin. Et le hadith, il a été rapporté par Ibn Majah. Authentifié par Al-Albani wa Al-Wadi'i rahimahumullah. Thumma qala fi su'al al-41 ba'd 800 841e question, ma hukm man lam yaqra bi fatihat al-kitab? Qu'en est-il de celui qui ne récite pas la Fatiha? Qala salatuhu batila. Sa salat elle est invalide. D'accord? Elle est invalide, elle est nulle. Et le dalil, on l'a cité précédemment. À part dans un cas sur lequel il y a divergence, celui qui rentre dans la salat alors que l'imam est en recours, en inclinaison. Avant qu'il ne se relève, si jamais il rentre dans la salat, la ville qui paraît comme étant le plus clair, maintenant il y a une grande divergence, c'est que lui, il fait exception à la règle. C'est-à-dire son cas, il est particulier, car il y a un dalil qui est venu qui prouve que Abu Bakr, il est rentré dans la salat alors que les gens étaient en recours. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Zadakallahu hirsan la ta'oud ». Et il ne lui a pas dit de recommencer sa salat. Après, les savants ont interprété ce hadith en disant que peut-être qu'il a fait une rakat en plus après, ou à kaza, et d'autres disent non. Ce hadith qui dit que n'y a pas de salat sans la Fatiha, c'est un hadith qui est général. Et le cas d'Abu Bakr, c'est un tarsis, c'est un cas qui est particulier, qui sort du jugement général. Comme sur les coudes dans les règles de Usul. Wallahu ta'ala alam. ثم قال في السؤال الثاني وأربعين بعد ثمانمية ويسألكم question ما هي السجدات التي سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant dans le Coran vous savez qu'il y a des versets sur lesquels à la suite desquels on dit qu'il faut se prosterner de façon préférable dans plusieurs ayat, dans plusieurs sourates. Maintenant l'auteur veut amener par là à réaliser que le Nabi صلى الله عليه وسلم ne s'est prosterné lors de ces versets là que dans quatre sourates et pas dans toutes. D'accord. Dans quelle sourate Fokot, il a été affirmé que lui, il se soit prosterné. Dans les autres versets, cela a été rendu préférable par déduction des savants. Car le verset amène ce sens-là. Seulement en se basant sur les fils, les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait qu'à quatre occasions. En premier lieu, dans sourate Sa'd, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, « Qala, ra'aytu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yasjudu fiha » qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se prosterner dans sourate Sa'd. Rapporté par le Bukhari. Également sur surat al-Najm, l'étoile. Également dans le hadith d'Ibn Abbas. Quand Allah s'agit d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil Najm, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné dans surat al-Najm. Rapporté par le Bukhari. Également dans l'Inshikak, qui est la fissure, et l'Alaq, qui est l'adhérence. Dans le hadith d'Abu Huraira, quand Allah s'agit d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi izaz saman shakat wa ikra bismi rabbik. Qu'il a dit Abu Huraira que nous sommes prosternés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a resté justement le début, la surat al-Nchikak, et également celle de Al-Araq, qu'ils étaient avec lui lorsqu'ils l'ont fait. Et le hadith, il est muttafaqun alayhi. En dehors de cela, on n'a pas de preuve qu'il soit prosterné dans les autres surat, dans lesquelles on voit ce petit signe, cet emblème, qui amène à se prosterner. Bien que l'ulama dise que celui qui le fait, il n'y a pas de mal. Maintenant, dire que c'est sunnah, on ne dit pas que c'est sunnah. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين بعد ثمانمية 843e question. Ma hukm raf al-basar ila as-sama fi as-salah. Quel est le jugement de celui qui lève le regard vers le ciel dans la salat? Et sans excuse, sans raison valable, bien sûr. Cela n'est pas permis. D'accord? Cela n'est pas permis. Après, il dit dans la su'al al-rabi' wa 40 ba'd thamanmiya, 844e question, madha yukhsha 'ala man fa'ala dhalik? Qu'est-ce que l'on craint pour celui qui fera cela? Qui lèverait son regard en pleine salat vers le ciel? Qal yukhsha 'alayhi an yukhtaf basaruh. On craint que son regard ne soit ne soit pris, subtilisé. C'est-à-dire qu'il perde la vue. Comme dans le hadith de Jabir ibn Samura, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yatahiyanna aqwamun yarfa'una basarahum ila as-sama fi as-salati aw la yaji'u aw yarji'u ilayhim aw la yarji'u ilayhim aw tarji'u ilayhim. Il a dit que les gens ont intérêt à arrêter de regarder vers le ciel lors de la salat, sans quoi leur regard leur sera pris, leur sera subtilisé, apporté par un musulman. Donc ça c'est un châtiment qui est sévère, que celui qui dans la salat lève la tête pour regarder en haut sans raison valable, il se peut que son regard ne lui revienne pas. Donc cela est une grande menace à craindre et à ne pas prendre à la légère. Et le hadith on le prend dans son apparent, on ne dit pas cela veut dire telle ou telle chose, on prend selon les termes exposés devant nous. Donc on n'a pas une chose qui nous indique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était une, comme ils appellent ça, certains, c'est qu'il a besoin, une parole qui a besoin d'être interprétée, la parole on la prend comme elle est venue. ثم قال في السؤال الخامس واربعين بعد ثمانمية ويسألكم question. قال أذكر بعض ما يقال في الركوع ورفع من الركوع. Donc il dit cite certaines choses que l'on dit dans le recou, dans l'inclinaison, lorsqu'on se lève de l'inclinaison. Donc en premier dans le recou, l'inclinaison, on dit Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-Azim. On le dit trois fois. Comme dans le hadith de Hudhayfa. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم في سجوده سبحان ربي الأعلى. Que Hudhayfa rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son sujoud, dans son recours, disait cela سبحان ربي العظيم, et dans la prosternation disait سبحان ربي الأعلى. Et cela a été compté comme étant parmi justement les piliers de la salat chez certains ulama. Après, on peut dire également, comme le cite, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaika wa Ruh. Subbuh, Quddus, qui sont parmi les noms d'Allah Azzawajal. Rabbul Malaika wa Ruh. Malaika sont les anges et Ruh, c'est Jibril alayhi salam. Comme dans le hadith de Aïcha, un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, Fi ruku'i wa sujoudihi, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaika wa Ruh. Apporté par un musulman. Et également, c'est rapporté par Aïcha que le Nabi sallam disait Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Comme cela fut rapporté justement par Bukhari al-Muslim. Et dans, en se levant du recours, qu'est-ce que l'on dit de l'inclinaison? On dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa kalhamd. Donc Sami Allahu liman hamida, ça c'est juste l'imam qui dit cela, ou celui qui fait la salat seul. Et il le dit à voix haute. Dans les salats obligatoires. Et Rabbana wa kalhamd, tout le monde le dit. L'imam le dit, et les ma'moumouns, ceux qui sont présidents de la salat, également le disent. Et ça c'est dans le hadith d'Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قال إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. Du moins Abu Huraira rapporte que إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. متفق عليه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat, lorsqu'il faisait le takbir, lorsqu'il se levait, il faisait le takbir. Ensuite, il le faisait lorsqu'il s'inclinait. En puis, lorsqu'il se relevait du recours, il disait Sami Allahu liman hamida. D'accord. Et après, il disait, alors qu'il est debout, Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Hadha alladhi rana nakhudhu al-yawm. On se contentera de cela aujourd'hui. Walhamdulillahi rabbil alamin.